très dangereux, très dangereux. C'est les tamawans, c'est les tamawans. Philosophique, philosophique. Clic clac bolette. Mais les gars dansent, on regarde foutre le feu pour que les bandes assez lancent. Clic clac bolette, c'est dangereux. Nous on fuck les guetta, c'est ghetto youth fameux. C'est clic clac bolette, y'a le faux que tu wines. Car ce soir y'a qu'un seul sélecteur, c'est ma one. C'est clic clac bolette, philosophique. C'est clic clac bolette. Lady faut que tu danses, elle est ta mêle ambiance. Faut que la foule se dépense et ressent ta puissance. C'est ma one qui relance, c'est ma one qui ambiance. On ne veut pas de romance, faut que ça move and balance. Je peux pas bouger sur la basse. Quand les bougos tournent, ne comprennent pas ce qui se passe. Que des bonnes vibes pour ne pas que tu te lasses. Bouge ton body, qu'on voit si t'es coriace. Yeah, clic clac bolette. Mais tes gars dansent, on revient foutre le feu pour que les bandes assez lancent. Clic clac bolette, c'est dangereux. Nous on fuck les guetta, c'est ghetto youth fameux. C'est clic clac bolette, y'a le faux que tu wines. Car ce soir y'a qu'un seul, c'est l'éclat, c'est ma one. C'est clic clac bolette, philosophique. C'est clic clac bolette, s'il te plaît, montre-moi que tu es ready. Bouge ton body, quand je te vois, je me ready. C'est le time à one, sur le mix, c'est ready, ready. Lady, on finit au baby. Ma one te fait jump up dans la partie. Philosophique, bang, shake your booty. Laisse-toi aller, gars, faut pas que tu t'arrêtes. Bouge ta tête et les fesses. Street dangerous, big click, clac, bullet. Petit gars dance, on revient foutre le feu pour que les bandes assez lancent. Click, clac, bullet. C'est dangereux, nous on fuck les guetta. C'est ghetto youth fameux, c'est click, clac, bullet. Y'a le faux que tu wines, car ce soir y'a qu'un seul sélecteur, c'est ma one. C'est click, clac, bullet. Philosophique, c'est clic clac bullet. C'est l'état de nous de la dance solo, bien de la soca. Balance nous tout que t'as. C'est l'état de nous du hip hop ou bien du raga. Balance nous tout que t'as. C'est l'état de nous un son intense parce qu'on aime ça. Balance nous tout que t'as. C'est l'état de nous de quoi oublier tout notre raga. Balance nous yeah. Clic clac bullet, pretty girl dance. Clic clac bullet, sont les bons assez lents. Clic clac bullet, c'est dangereux. Clic clac bullet. Foutre le feu pour que les bandes assez lancent. Clic clac bullet, c'est dangereux. Nous on fuck les guetta, c'est ghetto youth fameux. C'est clic clac bullet, y'a le faux que tu wines. Car ce soir y'a qu'un seul, c'est l'éclat, c'est ma one. C'est clic clac bullet, philosophique. C'est clic clac bullet. Clic clac bullet, petit gars dance. On revient foutre le feu pour que les bandes assez lancent. Clic clac bullet, c'est dangereux. Nous on fuck les guetta, c'est ghetto youth fameux. C'est clic clac bullet, y'a le faux que tu wines. Car ce soir y'a qu'un seul, c'est l'éclat, c'est ma one. C'est clic clac bullet, philosophique. C'est clic clac bullet.